لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم بعد encore une fois l'histoire d'un de ces grands prophètes et messagers Moussa alayhi salam. Si vous vous rappelez, la dernière fois nous avons parlé de l'histoire de Youssouf alayhi salam, et comme il nous est demandé de méditer sur le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala à tout moment, sans aucun doute, lors du mois de la descente du Coran, le mois de Ramadan, ceci nous est encore plus demandé, que ce soit la lecture du Coran et sa méditation. Car en vérité, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, a été descendu pour qu'on le médite et non pour qu'on le lise simplement. Mais on a l'habitude d'entendre Al-Khutaba wal-A'imma, ceux qui font donc le sermon du vendredi, de même que les imams, lorsqu'ils comptent ou racontent l'histoire des prophètes et messagers, on a l'habitude de les entendre rapporter des bénéfices ou tirer de ces histoires des enseignements et des bénéfices concernant les bons comportements, concernant des interdictions religieuses, concernant des prescriptions religieuses et autres que cela. Mais eux attirent l'attention sur la base de la prédication de ces prophètes et messagers. Peu attirent l'attention sur la cause pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé au peuple de la terre ses prophètes et ses messagers. Et l'ensemble de ces prophètes et messagers avaient la même religion, c'est-à-dire qu'ils appelaient à la même chose. Ils appelaient à la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, al-islam, al-istislam ou lillah, le fait de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala par l'adoration. L'ensemble d'entre eux appelaient à cela. Ceci est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-anbiya, donc, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes sont des frères ayant le même père, c'est-à-dire que leur religion est unique et que leurs mères sont différentes. C'est-à-dire que l'ensemble des prophètes et messagers avaient la même religion, la base de cette religion, at-tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la soumission à Allah azza wa jal par l'adoration. Mais chacun avait une législation différente qu'il suivait. Certains suivaient la législation de celui qui a été envoyé avant lui, mais ce qui est voulu ici, c'est que leur législation pouvait être différente, mais dans tous les cas, la base de leur appel, la base de leur religion était la même, c'était At-Tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a envoyés. Une chose sur laquelle nous sommes bien souvent insouciants, c'est-à-dire la base de l'envoi de ces prophètes et messagers. La base de l'envoi de ces prophètes et messagers est l'appel de leur peuple à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et à corriger leurs croyances. Ad-da'watu ila at-tawhid wa islahu al-aqa'id, c'est-à-dire corriger les croyances de ces peuples à qui ils ont été envoyés. Et comme nous l'avons vu aujourd'hui dans la khutba, ce grand prophète et messager Moussa alayhi salam a été envoyé à ce peuple, les fils d'Israël, Israël qui est Israël, qui est le prophète Ya'qub alayhi salam. On l'appelle Ya'qub en arabe ou Israël. Moussa alayhi salam a été envoyé au fils d'Israël. Et comme vous le savez, il a été éduqué dans le palais de Pharaon, Pharaon. Pharaon qui était le plus grand tyran que l'humanité ait connu. Cette personne qui a prétendu la divinité, qui disait « Ana rabbukum al-a'la », « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Le plus grand tyran qu'a connu l'humanité. Ce prophète Moussa alayhi salam a été élevé par une sagesse venant d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le palais de cette personne. Et il a vu et il a connu les perversions et les sortes de mécréances qui sont difficiles, très difficiles à supporter. Et si vous vous rappelez dans l'histoire de Youssouf alayhi salam, il en était de même. Il a grandi dans des palais de personnes qui ne croyaient pas en Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il a vu le prophète d'Allah azza wa jal, Youssouf alayhi salam, il a vu toutes sortes de mécréances dans son enfance. Il a été élevé, ou il a grandi en tout cas dans ses palais, comme on l'a évoqué dans l'histoire de Youssouf alayhi salam. Et ceci, pourquoi il est important de le rappeler, de méditer sur cela? Car lorsqu'ils ont vécu, ils ont vu cette perversion qui se passe au sein des palais du gouverneur de cette contrée à laquelle ils ont été envoyés, ces messagers, nous voyons que, sans aucun doute, il aurait été plus juste, ils auraient été plus à même de se révolter contre le gouverneur si ceci était légiféré. Après avoir connu de manière si proche les perversions qui se passent dans les châteaux et dans les palais de ces gouverneurs de cette époque, qui sans aucun doute, comme on l'a évoqué dans la khutba d'aujourd'hui, jugeaient par autre que ce que Allah tabaraka wa ta'ala a révélé. Ils ne jugeaient pas par la législation d'Allah azza wa jal, ils ne croyaient pas en Allah tabaraka wa ta'ala. Mais quel était leur appel à Allah azza wa jal et quelle était leur voie qu'ils ont empruntée dans cet appel à Allah tabaraka wa ta'ala, dans leur da'wah? Quelle était-elle? On l'a vu encore une fois ici, Moussa alayhi salam a été envoyé à Pharaon, le plus grand tyran de l'humanité, qui a prétendu cette divinité, comme on l'a vu, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Il a été envoyé à lui avec cette voie qu'Allah azza wa jalla lui a tracée. Il lui a demandé, donc son Seigneur tabaraka wa ta'ala lui a demandé de partir voir Pharaon et de lui rappeler, peut-être qu'il craindra Allah tabaraka wa ta'ala, comme il le dit, va vers Pharaon, dans le sens de ses paroles, azza wa jalla, va vers Pharaon, vraiment il s'est rebellé, puis dis-lui, voudrais-tu te purifier et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Quelle était la réponse de Pharaon? Cette personne, Pharaon, qui égorgeait les enfants des fils d'Israël, et ceci Moussa l'a vu pendant toute son enfance, et il a su que les fils d'Israël étaient son peuple auquel il a été envoyé. Quelle était la réponse de Moussa? Allez, quelle était la réponse de Pharaon? Il n'a pas accepté cet appel de Moussa. Et que se passa-t-il? Allah tabaraka wa ta'ala le renforça par son frère Haroun, qu'il élut au rang de prophète. Haroun alayhi salam, qu'il élut au rang de prophète et renforça Moussa par ce dernier afin d'insister dans la transmission de la preuve claire et évidente. Et il leur enseigna la douceur dans la da'wah. La douceur avec qui? La douceur avec le plus grand tyran de l'humanité. Il y a dans cela des signes pour un peuple qui réfléchit. Ayyuhal ikhwa. Ceci est la voie qui doit être empruntée par n'importe lequel d'entre nous. C'est la voie que nous avons vue lorsque nous avons écouté l'histoire de Nuh alayhi salam, le premier des prophètes envoyés, le premier des messagers envoyés aux gens de la terre. Puis, nous avons vu l'histoire de ce grand prophète et messager Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes. Puis, la voix de ce noble messager, de ce noble prophète, Youssouf alayhi salam, aujourd'hui de ce grand messager qui est celui qui est, ou dont son histoire est la plus contée dans le Coran, racontée dans le Coran, rapportée dans le Coran, Moussa alayhi salam. Et nous le verrons, incha'Allah, prochainement dans l'histoire de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que cette chose est claire pour l'ensemble d'entre nous. Donc, nous voyons que l'ensemble de ces prophètes et messagers suivaient la même voie qui leur a été tracée et décrétée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il leur enseigna à Moussa et Haroun la douceur dans la da'wah. Il leur dit, dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala, allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il? Quelle était la réponse de Pharaon à ce moment-là? Il n'accepta pas encore une fois cet appel. Et il s'enfla d'orgueil sur terre. Et sans aucun doute, nous voyons que Pharaon n'accepta pas cette prédication, qui était une prédication qui était sage et calme. Et ceci bien que Moussa prouva sa prophétie et la véracité de son message par des signes qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorda. Ces signes que vous connaissez tous. Et Pharaon persista dans sa tyrannie et son démenti au point de dire, comme il le dit, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, et les notables du peuple de Pharaon dirent, laisseras-tu Moussa et son peuple commettre du désordre sur la terre et lui-même te délaisser, toi et tes divinités? Il dit, nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. Encore une fois, Pharaon s'est enflé d'orgueil et a persisté dans sa tyrannie et dans sa barbarie. Quelle était donc la position de Moussa alayhi salam à ce moment-là? Encore une fois, il y a dans cela des signes pour des peuples qui réfléchissent, pour des peuples qui aujourd'hui, des peuples musulmans qui aujourd'hui se révoltent contre le gouverneur, que ce soit en tenant des propos sur le minbar, des propos qui appellent à la révolte contre le gouverneur, que ce soit par des manifestations, car la manifestation, al-mudaharat, les manifestations, sont une partie de la révolte contre le gouverneur. Est-ce que c'est comme cela que l'islam nous a appris à faire des demandes auprès de notre gouverneur, à se comporter avec le gouverneur des musulmans? Ou plutôt, ce que l'histoire nous a appris par ces manifestations, je dis l'histoire, car sans aucun doute, il n'y a aucune preuve dans notre religion sur la légitimité de ces manifestations. Plutôt, il y a des preuves contre cela. Et ici, je dis l'histoire nous a appris que ces manifestations n'amenaient que le désordre sur terre. Et les 10 dernières années sont une preuve claire pour tous ceux qui observent et qui réfléchissent. Et donc, quelle était la position de Moussa face à ces transgressions abominables qui ont dépassé les limites de la sauvagerie et la barbarie? Ils ont égorgé leurs fils et laissé vivre leurs femmes afin qu'il ne reste que des femmes et qu'il n'y ait plus d'hommes sur terre. Et qu'il n'y ait plus d'hommes parmi les fils d'Israël sur terre. Sa position était évidemment de rester ferme dans sa croyance, dans sa aqidah, cette croyance qu'il reçut de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, cet appel au tawhid d'Allah azza wa jal, de même que de patienter et de demander le secours à Allah, tabaraka wa ta'ala, et d'être convaincu que la fin est aux pieux, à ceux qui suivent la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui ne se révoltent pas face aux commandements d'Allah azza wa jal, et sans aucun doute parmi les commandements d'Allah et de son prophète, le fait d'obéir au gouverneur et de l'écouter. Comme dans ce hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam muslim, le hadith rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu an, isma' wa ati'a, وَإِنْ ضُرِبَ ضَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ. Écoute et obéis, et ceci même si on te frappe, c'est-à-dire le gouverneur ou ceux qui travaillent pour lui te frappent le dos et te prennent ton argent. Et ceci était la voie, comme vous le savez, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis dans le bien avec les gouverneurs qui ont transgressé après eux. Et sa position était évidemment de rester ferme dans sa croyance, de patienter et d'attendre la fin heureuse et de conseiller son peuple de suivre cela. Comme il le dit, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, Moussa dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah et soyez patient, car la terre appartient à Allah, il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux, ceux qui ont craint et qui ont obéi au commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui ont craint la transgression des ordres de leur Seigneur Azza wa Jal. Et lorsque les épreuves s'intensifièrent pour les fils d'Israël, il alla voir Pharaon et lui demanda de les laisser émigrer. Et quelle était la réponse de Pharaon? Il ne les laissa pas émigrer. Et quelle était la réponse de Moussa? Se révolter? Prendre les armes? Faire des manifestations? Depuis le début de sa da'wah, depuis le début de sa prédication, est-ce qu'il s'est orienté vers la réclamation des droits des fils d'Israël? Demander les droits, comme un avocat ou quelqu'un qui vient faire une plaidoirie devant le gouverneur, demander des droits des fils d'Israël, la lutte pour arriver au pouvoir, pour arriver au trône, le kursi, comme est le cas des frères musulmans et autres qui leur ressemblent parmi ces voies égarées, le fait de constituer des partis politiques afin d'arriver à la tête du pouvoir, de prendre le siège, de devenir celui qui gouverne. Et la plupart d'entre eux, si vous le voyez bien, si vous réfléchissez, la plupart d'entre eux, même si certains d'entre eux, parmi les frères musulmans et autres, prétendent faire cela parce que la religion d'Allah Azza wa Jalla n'est pas appliquée sur terre, vous trouverez que dans les pays où ils ont pu arriver au pouvoir un certain temps, ils n'ont pas appliqué la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc nous voyons que ce sont des grands menteurs. Nous le savions avant et aujourd'hui ceci est apparent pour la plupart des gens, pour la masse des gens, que ce sont des grands menteurs qui, même au moment où dans certains pays une courte durée, comme par exemple en Égypte où ils sont arrivés au pouvoir pendant un an, ils n'ont pas appliqué la religion d'Allah Azza wa Jalla. Loin de là, ils ont transgressé et ils ont cherché à pervertir et travestir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut, tabaraka wa ta'ala. Et donc, Pour résumer, si vous regardez ces gens-là qui prétendent faire cela, se révolter car la religion d'Allah Azzawajal n'est pas appliquée, bien souvent ils sont, et ceci est la voix de Al-Khawarij, les premiers de cette communauté, bien souvent ils font cela pour des biens mondains, pour chercher à arriver à une place dans la société, s'élever dans la société ou à des biens, de l'argent. Et ceci est la voix des premiers parmi Al-Khawarij. Et c'est pour cela que vous voyez l'imam musulman. L'imam muslim, rahimahullah, dans son sahih, dans son livre, le sahih de l'imam muslim, le recueil authentique de l'imam muslim, qui a rapporté les hadiths qui parlent de l'Khawarij dans le livre de Az-Zakah. Pourquoi? Ceci fait partie de sa science à l'imam muslim, parce que nous voyons que l'Khawarij, les premiers, et bien sûr les frères musulmans et autres qui se révoltent contre le gouverneur, font partie de l'Khawarij et suivent la voie de ces premiers Khawarij qui sont parmi eux, Dhul Khuwaysira, At-Tamimi, est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, « I'adil ya Muhammad, fa innaka lam ta'adil. » Vous vous rendez compte, quelqu'un qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Sois juste, car tu n'as pas été juste. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, sois juste car tu n'as pas été juste. Pourquoi? Parce que après la bataille de Hunayn, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé le butin, il pensait, cette personne-là, Dhul Khuwaysira et ceux qui le suivaient, ne pas avoir reçu la part qui leur revenait. Après le partage de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne prononce pas sous l'effet de la passion, plutôt ceci est une révélation qui lui est révélée. Sallallahu alayhi wa sallam. Il pensait qu'il n'a pas reçu la part qu'il devait recevoir. Et ceci est la voix des premiers Khawarij comme la voix des derniers d'entre eux. Donc la plupart d'entre eux qui se révoltent, c'est pour demander plus d'argent, plus de droits sociaux et autres, et autres, et autres, et rien à voir avec la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et sans aucun doute, comme vous le savez, comme nous l'avons vu, et comme Allah, tabaraka wa ta'ala, nous en parle à maintes et maintes reprises dans son livre, Azza wa Jal, la fin heureuse sera aux pieux, à ceux qui craignent Allah Azzawajal, les commandements d'Allah Azzawajal. Et ceci est la manière dont Allah Azzawajal nous accordera l'établissement sur terre. Lorsque nous répondrons au tawhid, l'unicité d'Allah Azzawajal, nous ne l'adorerons lui et uniquement lui, seul et sans associé, nous appellerons à ce tawhid et nous établirons sur terre son adoration. عز وجل وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين